Installé devant ma télé. J'ai tendance à me faire à ne plus. J'ai tendance à ne plus penser à ma mort. Parfois je voudrais retrouver mon vaisseau. Installé devant ma télé, j'ai tendance à ne plus penser à ma mort. Parfois je voudrais retrouver mon vaisseau et repartir. Retourner chez moi là-bas, vivre n'est pas pour demain, de donner vos corps à des étrangers. Toujours un livre placé sur le lit, l'enlever pour donner envie et puis le remettre pour après l'acte fini, pour après elle l'ébranle. Pour après, l'acte fini, elle les prend en leur touchant les couilles, et leur caresse les seins. Elles écartent les jambes, puis il vient donner un tour de rein, puis après se regarder sans jamais savoir comment. Ce sourire, puis attendre que l'effet passe et se dire des idioties, pas savoir trop bien comment faire. Planète toxique, champignons toxiques, amour toxique, tout est toxique. Kick,